Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, l'affaire 3 avec fiction, série de fiction, épisode 4, jeu de piste, et épisode 5, l'horreur, ou comment la folie s'empare d'un homme. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. France Inter. Le mystère de la disparition d'une famille près de Nantes reste entier, Sébastien. Oui, la famille Troadec à Orvault, les parents et leurs deux enfants de 18 et 21 ans, 10 jours qu'ils n'ont pas donné de nouvelles. Des traces de sang de la famille ont été trouvées dans leur maison et les enquêteurs s'intéressent au fils aîné, Sébastien Baer. Sébastien Troadec, qui avait fêté ses 21 ans juste avant les vacances de février, était élève ici au lycée Saint-Gabriel-Saint-Michel à une dizaine de kilomètres de Cholet. Élève en deuxième année de BTS, système numérique. Ses camarades de classe décrivent un garçon gentil, agréable, doux. Un jeune homme apprécié et sans souci, ajoute Marc, qui dit qu'il s'inquiète pour son copain de classe. Avec nous, enfin, il a toujours été adorable, très gentil, très attentionné. Donc, enfin, c'est pas quelqu'un qui aurait pu faire mal à une mouche. Ça me fait chier, ouais, que ça lui est arrivé. Que toute sa famille soit disparue comme ça du jour au lendemain, ça me paraît invraisemblable. Et on espère juste qu'on puisse le retrouver en vie, lui et sa famille. Ce portrait du jeune homme est à l'opposé du profil tourmenté que laisse apparaître le début de l'enquête. Plusieurs éléments interpellent la police judiciaire qui a découvert des messages postés par Sébastien sur les réseaux sociaux. « Vivement ma mort, ma vie me saoule », écrivait le jeune homme en 2013 sur Twitter. Et puis, si on savait ce qui se passe réellement dans ma tête, on me prendrait pour un fou sans mort. D'autres messages révèlent aussi un conflit entre Sébastien et son père. L'enquête se poursuit et les policiers sont notamment à la recherche de la Peugeot de Sébastien Troadec qui n'a plus été vue depuis le 16 février. À Saint-Laurent-sur-Sèvre, Frédéric Quéroux, Sébastien Baer, France Inter. L'affaire Troadec. Une série de François Luciani. Coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Cédric Ossir. Quatrième épisode. Jeu de piste. 1er mars 2017. Nantes. Bureau de la police judiciaire. Lieutenant Le Goff, j'écoute. Je voudrais parler au commissaire Philippi, s'il vous plaît. À quel sujet ? C'est personnel. Désolé, il est pas là. Est-ce que je peux prendre un message ? Voilà, je faisais mon jogging du côté de Virinon, près de la forêt, et j'ai trouvé un pantalon. Un pantalon ? Oui. Et alors ? C'est une raison pour appeler la police, ça, d'avoir trouvé un pantalon ? Dans la poche du pantalon, il y avait un petit étui. Un petit étui, oui. Et dans le petit étui, il y avait un tas de cartes. Un petit étui, oui. Et un tas de cartes, oui. Et alors ? Les cartes, elles sont au nom de Charlotte Troadec. Pardon ? Oui. Les cartes, c'est bien au nom de Charlotte Troadec. Vous êtes sûr ? Oui, monsieur. Il y a même sa photo sur la carte vitale. Quel est votre nom, madame ? Julie. Julie comment ? Je veux pas être mêlée à tout ça, hein, vous comprenez ? Bon, vous êtes toujours sur place ? Je suis pas très loin. Ne bougez surtout pas. Hubert ! Gaël ! À table ! On arrive ! On termine les choses naturelles ! Donc là, tu vois, c'est les biceps, et là, les triceps. Tu peux me dessiner un biceps ? Super, Gaël, alors, regarde, ici c'est le grand pectoral, là c'est le biceps brachial, là le biceps brachial antérieur et là le fléchisseur commun superficiel des doigts. C'est intéressant, non ? 1er mars 2017, forêt de Dirinon, Finistère. Elle est sûrement par là, quelque part. Oui, mais elle est où ? Ah mais franchement, Le Goff, hey, vous n'auriez pas une autre question, là ? Ah, vous croyez sérieusement qu'elle est vivante ? Mais oui ! J'espère, oui ! Moi, je comprends pas. D'Orvault ici à Dirinon, il y a 275 kilomètres. On est au bout du monde, ici. À quoi ça sert d'aller si loin de chez elle ? Mais vous savez bien, hein ? On doit négliger aucune piste. Moi, je dis que tout ça, c'est totalement bidon. On nous balade. On nous balade et voilà, c'est tout. On suit comme des moutons. D'abord, l'or du grand-père. C'est des conneries. On a vérifié partout. Les comptes bancaires de Pascal Troadec, que dalle. De Brigitte Troadec, que dalle. On a interrogé le fisc, la Banque de France. On est allé jusqu'en Suisse, on n'a rien trouvé. Et maintenant, on nous appâte avec un pauvre pantalon et on fonce. N'importe quoi. Vous aimez la peinture, Le Goff ? Non, pas du tout. C'est quoi le rapport ? Picasso disait « Je cherche pas, je trouve ». Vous comprenez ? Alors faites comme lui, trouvez. Mais pour moi, la petite Charlotte, elle est pas ici. Ah ouais ? Alors elle est où ? Elle est morte. Voilà. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Point barre. Vous avez une preuve ? Une carte vitale et un pantalon trouvé dans un champ, ça prouve que quelqu'un est vivant, selon vous. Écoutez, si Charlotte Troadec est morte, il faut trouver son corps. Sans corps, pas de mort. Pas de mort, pas de meurtre et pas de meurtre, pas de coupable. Il n'y a que des disparus. Oui, des disparus. Oui, des disparus. Alors trouvez les corps, mon vieux. Trouvez les corps. Souvenez-vous, Picasso, je ne cherche pas. Oui, je trouve. Bah voyons. Picasso. Il ne manquait plus que ça. Le procureur de Nantes en est maintenant certain. C'est dans un contexte de violence grave que la famille Troadec a disparu. Dans leur maison, la vaisselle attend d'être faite dans l'évier et le frigo est plein. Un cadre banal qui tranche avec les nombreuses traces de sang découvertes par les enquêteurs, notamment à la porte du garage. Les sangs des parents et de leur fils ont déjà été identifiés. La montre de la mère ensanglantée a été retrouvée dans la chambre de la fille, Charlotte, 18 ans. Le portable du fils, Sébastien, 21 ans, a lui aussi été retrouvé taché de sang. C'est le dernier des quatre téléphones mobiles à avoir été désactivé le 17 février à 3h15 du matin. Sa voiture est introuvable, contrairement à celle des parents abandonnés devant la maison. C'est désormais sous l'autorité de deux juges d'instruction que l'enquête se poursuit. De mars 2017. Nantes. Bureau de la police judiciaire. Police judiciaire, j'écoute. Bonjour. Bonjour. J'ai lu dans le télégramme que vous cherchez une Peugeot 308 gris clair immatriculée dans la Loire-Atlantique. C'est bien ça ? Oui, madame. Et alors ? Eh bien voilà, il se trouve qu'il y a une 308 gris clair immatriculée en Loire-Atlantique qui est garée devant ma boulangerie depuis plusieurs jours. Vous êtes sûre, hein, madame ? Oui, puisque je vous le dis. Elle n'a pas bougé depuis samedi. Ça fait au moins 3 jours. Elle est là, devant chez moi, sur le parking de l'église. D'accord. Et c'est quelle église, madame ? L'église de Saint-Nazaire, du côté de Penouët. Les enquêteurs la recherchaient depuis une semaine. Une Peugeot 308 gris clair. Celle de Sébastien Troadec, le fils aîné de la famille. Repérée ce matin sur cette place proche du port de Saint-Nazaire, elle a été découverte vide. Qui l'a garée ici ? Qui étaient ses derniers passagers ? À l'intérieur, les enquêteurs ont recherché traces ADN, empreintes digitales. Ils tentent aussi de reconstituer son itinéraire. La voiture a été découverte à moins d'une heure de route du domicile des Troadec dans la région de Nantes, bien loin du Finistère où un pantalon et la carte vitale de Charlotte, la fille, ont été retrouvés hier. Des indices éparpillés, ont-ils été abandonnés par un ou des membres de la famille au cours d'une fuite, ou quelqu'un d'autre s'en est-il chargé ? À chaque découverte, de nouvelles questions pour leur sans réponse. Mais qu'est-ce que vous voulez encore ? Bien, c'est à propos de votre petit-fils, Sébastien. Et alors ? Vous l'avez vu quand pour la dernière fois ? Ben, je vous l'ai déjà dit, on ne se voyait plus avec ses parents, alors... C'est pas une raison pour ne plus voir votre petit-fils, non ? Je vous l'ai déjà dit, on était en froid. Et puis, j'ai rien à vous dire. Tout ça, c'est pas mes affaires. Vraiment, vous trouvez ? De toute façon, ce gamin-là, c'était connu. Il filait un mauvais coton, toujours le nez dans son ordinateur, avec ses copains, avec des mauvaises fréquentations. Ben, ça m'étonnerait pas qu'il ait fait des siennes. C'est-à-dire ? Ben, des conneries, voilà. Enfin, si vous me passez l'expression... Des conneries. Enfin, vous me direz, c'est bien de son âge. Quel genre de conneries, d'après vous ? Mais j'en sais rien, moi. Demandez à ses parents, ou à ses copains, ou à qui vous voulez. Que voulez-vous que je vous dise ? Ben justement, c'est bizarre. On ne parvient pas à joindre votre fille Lydie. Elle n'habite plus sa maison de Plouguerneau ? Ben, bien sûr que si, pourquoi ? Ben parce que le jardin est en friche. On sonne, ça répond jamais. Vous avez des nouvelles, vous ? Ben, oui, bien sûr. Ah. On s'appelle tous les jours. Ah, ce que je sais, c'est qu'Hubert, il est un peu fatigué en ce moment, à cause de son travail, alors le jardin... Ben, le jardin, c'est peut-être pour ça, vous voyez. Et vous l'appelez à quel numéro ? Ben, sur son portable, comme d'habitude. Parce que chez elle, sans le fixe, ça répond jamais, hein. Appelez-la sur son portable si vous voulez lui parler. C'est votre boulot, non? C'est une bonne idée. Je vais l'appeler sur son portable. Et merci de votre aide. Pas de quoi. Au revoir, monsieur. C'est rien. Même pas où est sa fille? Même pas. Elle nous ment, le Goff. Non, mais c'est rien, je vous dis. Vous croyez? Oui. À propos, vous saviez que les Kawissin avaient acheté une maison à la campagne? Non, depuis quand? Ils ont signé chez le notaire le 23 janvier 2015. 260 000 euros. Une ferme, 27 hectares, du côté de Châteaulin, en rase campagne, la ferme du Stand. Enfin, c'est ce que nous a dit sa banque. Sans rien dire à personne. Secret de famille. Même pas Mamie Renée. À votre avis? Des traces de sang ont été trouvées dans le coffre de la voiture de Sébastien Troidec, hein, cette Peugeot 308 grise qui a été garée pendant plusieurs jours sur ce parking de Saint-Nazaire juste derrière moi. Une voiture donc à la carrosserie visiblement briquée et à l'intérieur un habitacle nettoyé avec grand soin, ce qui laisse penser que peut-être une ou plusieurs personnes auraient tenté d'effacer toute trace d'indice. Maintenant les enquêteurs cherchent à savoir qui a conduit pour la dernière fois cette voiture. Autre indice dans cette enquête, un indice très important qui se trouve à 250 km d'ici, hein, près de Brest. Et bien là-bas, ce sont donc un manuel scolaire appartenant au père de la famille Troidec, mais aussi un drap qui ont été retrouvés. Une découverte qui s'est effectuée à seulement 2 km d'une autre zone de recherche, cette fois donc dans le bois de Dirinon, où là c'est des effets personnels de la fille de Charlotte Troidec qui ont été retrouvés, hein, notamment une carte vitale, un pantalon et une carte bancaire. C'est donc, vous le voyez, un véritable casse-tête pour les enquêteurs parce que tous ces effets personnels sont éparpillés à plusieurs centaines de kilomètres sur différents départements. Et donc les enquêteurs se demandent s'il n'y a pas une ou plusieurs personnes qui cherchent véritablement à brouiller les pistes dans cette affaire. Vous croyez vraiment que ce gamin-là aurait pu tuer toute sa famille pour une simple histoire d'ordi? Avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, vous savez, maintenant on peut s'attendre à tout. Non, désolé, mais moi j'y crois pas une seconde. Vous avez vu la presse? Il parle que de ça. Sébastien Troidec, suspect numéro 1 dans l'affaire des disparus d'Orvault. Le jeune homme en rupture avec son père aurait tué sa famille avant de prendre la fuite. Du sang retrouvé dans la voiture de Sébastien Troidec, présumé coupable. Tout y est. Justement. Vous voulez dire que les journalistes parlent sans savoir? Oui, mais c'est un peu ça. 5 mars 2017. La ferme du Stand. Maison de Lydie Troidec et Hubert Kawissin. Pont de Buis, Finistère. En fin de semaine, étonnante découverte à Saint-Nazaire dans la voiture du fils Sébastien. Les relevés de la police scientifique ont mis au jour des traces ADN appartenantes à l'ex-beau-frère. Comment expliquer l'existence de ces traces alors même que l'homme confiait ne plus être en lien avec la famille Troidec? C'est ce que les enquêteurs tentent désormais de déterminer. Et qu'est-ce que tu vas leur dire maintenant? Moi? Rien. Comment ça, rien? Rien. Écoute, ça va durer encore combien de temps tout ça, Hubert? Le temps qu'il faudra. Combien de temps? Le temps que la vérité éclate au grand jour. Voilà. Tôt ou tard, ils seront là, ils viendront avec tout leur attirail, ils poseront leurs questions et je leur répondrai. Quand? On va continuer à mentir jusque quand? C'est quoi la vérité, Hubert? La vérité? Oui. Entre toi et moi et notre fils Gaël, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est que j'ai plus faim. Il est où, Gaël? Dans sa chambre. Hubert, où tu vas? Laisse-moi tranquille. Hubert, qu'est-ce que tu fais? Attends, laisse-moi finir. Hubert. Non, juste... Tu sais que tes cousins disparus. Tu veux savoir pourquoi tes cousins sont partis? Moi, je vais te le dire. C'est parce qu'ils sont morts. Je vais te dire comment. Parce que je les ai tous tués. Oui, c'est moi, c'est ton père. Oh non, Hubert, tais-toi, je t'en supplie. Non, Hubert, t'as pas le droit. C'est mon fils. Non, c'est tous les droits. Non, tu vas tuer comme les autres. Il faut qu'ils sachent. Je t'interdis. Fiche-moi la paix. À suivre. L'affaire Troadec, une série de François Luciani. Coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Cédric Ossir. Malgré ses racines, son corps. 5 mars 2017, 6h du matin. La ferme du Stan, maison de Lydie Troadec et Hubert Kawissin. Pont de Buis, Finistère. Lydie Troadec. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous devez nous suivre. Mais pourquoi? C'est à cette heure-là que vous arrivez. Hubert Kawissin, il est 6h08. À partir de maintenant, vous êtes placé en garde à vue. Vous avez droit à un avocat. Si vous n'en avez pas, nous pourrons vous proposer les services d'un avocat commis d'office. Vous avez un avocat, Kawissin? Non, j'en ai pas. Allez, emmenez-les. Et mon fils? Mon fils? Je veux pas le laisser tout seul, monsieur. Monsieur, je veux voir mon fils. Inutile de crier, madame. Calmez-vous. On s'occupe de votre fils, ne vous inquiétez pas. Mais je veux voir mon fils! Calmez-vous, madame. Mais Hubert, Hubert, fais quelque chose! Lydie, calme-toi. Oh, avance, toi, Kawissin. On n'a pas que ça à faire. Monsieur Kawissin, je vous présente Maître Arnaud de Berthelin, avocat commis d'office. Je vous en prie, maître, asseyez-vous. Bonjour. Bonjour. Je suis là pour vous assister, monsieur, tout au long de votre garde à vue. Vous souhaitez qu'on vous lise vos droits? Non. À la suite de votre interrogatoire, vous serez présenté devant le procureur de la République, monsieur Pierre Sénès. D'accord. Et après? Savez-vous la raison de votre arrestation, monsieur Kawissin? Non, pas exactement. La police scientifique a relevé des traces de sang dans la voiture de Sébastien Troadec, une 308 gris clair abandonnée sur un parking à Saint-Nazaire. Les premières analyses ont révélé la présence de l'ADN de Pascal, Brigitte, Charlotte et Sébastien Troadec. Il se trouve que le laboratoire a identifié votre ADN sur une trace laissée sur une commande de chauffage et le rétroviseur intérieur. Cela ne vous dit rien? Non, rien. Lors de votre premier interrogatoire, vous nous avez déclaré que vous n'aviez plus aucune relation avec la famille Troadec, est-ce exact? Oui, c'est exact. Alors comment expliquer la présence de ces traces dans la voiture de Sébastien Troadec et à Orvault, dans la maison de ses parents, monsieur Kawissin? Je sais pas. Vous ne savez vraiment pas? Je sais pas, je vous dis, je sais pas. Je vous pose à nouveau la question, madame Troadec. Où étiez-vous dans la nuit du 16 au 17 février dernier? Je dormais, j'étais dans mon lit. Vous étiez au lit seul ou avec votre compagnon Hubert Kawissin? Je voudrais voir mon fils, monsieur. Répondez, madame. Vous étiez au lit avec votre compagnon Hubert Kawissin dans la nuit du 16 au 17 février. C'est bien ça? Je veux voir mon fils. C'est pas possible de voir votre fils, vous comprenez? Je veux voir Gaël. Bon. Où étiez-vous, madame, dans la nuit du 16 au 17 février? Vous dites que vous vous étiez brouillé avec Pascal et Brigitte Troadec parce que vous soupçonniez Pascal d'avoir volé le fameux trésor de la famille Troadec. Ces 50 kilos d'or, vous les avez déjà vus? Non, jamais. C'est Renée Troadec, la mère de Lydie, qui nous l'a toujours dit. Nous avons interrogé Madame Renée Troadec à ce sujet. Dit Mamie Renée, je crois. Oui. Elle nous a déclaré n'avoir jamais vu cet or, du fait que c'était une affaire que son mari avait gardée secrète, car c'était, je cite, « une affaire d'homme qui ne regardait que Pascal et son père ». Donc nous avons mené une enquête approfondie sur les comptes bancaires de la famille Troadec, nous avons interrogé le fisc, y compris les services de lutte contre l'évasion fiscale en Suisse, à Monaco, et nous n'avons rien trouvé, aucune trace de ce fameux or. Pas le moindre lingot. Alors? Elle a rien dit. Elle pleure, elle veut voir son fils, c'est tout. C'est bizarre. Lui, il a l'air tranquille, à l'aise, comme s'il gérait la situation. Il va falloir le bousculer, commissaire. Peut-être. À moins qu'il tombe tout seul. Comme un fruit mûr. Monsieur Kawissin, le rapport technique de l'analyse de votre ordinateur démontre la présence d'un dossier intitulé Crapule. Bon, pour l'essentiel, il s'agit d'images de la rue et de la maison des Troadec, des plaques d'immatriculation des voitures. Comment est-ce que vous expliquez cela? Lydie et moi, nous voulions rassembler toutes les preuves pour dire que Pascal Troadec avait volé l'or. Et ensuite, les transmettre à qui de droit? À qui? aux autorités. Ah, aider la police en quelque sorte. Oui, voilà, pour aider la police à retrouver les voleurs. Oh, c'est très noble de votre part, en effet. Par ailleurs, l'exploitation du disque dur découvert à votre domicile révèle la présence de nombreuses photographies à caractère pornographique, pédopornographique et zoophile. Cela vous dit quelque chose ? Je me souviens pas. Ainsi que la transcription sur 16 pages d'un fichier MP3 intitulé « Explication avec Pascal le 5 juillet 2014 ». Vous pouvez nous dire l'origine de ce fichier ? C'est Lydie qui l'a fait. C'était le jour où on en est venu aux mains avec Pascal, chez René Troidec. Lydie avait planqué un enregistreur dans son soutien-gorge. T'as piqué l'or et tu nous nargues ? Tu crois qu'on le sait pas ? Mais tu lèves vraiment ma main dans ta gueule ? Et en plus, il nous menace ! Un pourri, un sale voleur ! Ma parole, mais je vais l'exploser, hein ! Tu vas voir comment je m'appelle, hein ? Ah, je vais t'exploser la tronche, espèce de connard ! Touche pas à mon homme, espèce de crapule ! Moi, un voleur ? T'en foutrais, moi, des voleurs ! Pascal, ça suffit ! Arrêtez ! Vous allez me faire crever ! Madame Troidec, vous pouvez nous dire dans quel but vous avez réalisé cet enregistrement ? C'était pour garder des preuves de la méchanceté de mon frère. Pouvez-vous nous rappeler par quels moyens techniques cet enregistrement a pu être effectué ? Tout ce que je sais, c'est qu'après, ma mère, elle a fait un malaise cardiaque. Et votre compagnon Hubert Kawissin nous a indiqué que vous aviez planqué un enregistreur dans votre soutien-gorge. Est-ce exact, madame ? Je m'en souviens pas. Vraiment pas. Pourquoi dans votre soutien-gorge ? Pourquoi pas dans votre sac ou tout simplement dans votre poche ? Parce que... j'en sais rien, moi. Voilà pourquoi. J'ai rien fait de mal, vous m'entendez ? Tout ça, c'est pas ma faute, j'ai rien fait. Après ça, on s'est plus jamais parlé. Et puis un soir, le 16 février 2017, je me suis rendu à nouveau chez eux, à Orvault. Pourquoi ? René Troidec m'avait dit que Pascal avait tenté de l'appeler, le 9 février. Et comme il se parlait plus, elle avait pas décroché. Mais pour elle, c'était sûrement pour dire qu'il partait en vacances. Alors, c'était le moment d'aller voir chez eux et d'en savoir plus. Rechercher des preuves. Vous souhaitiez vous introduire chez eux en leur absence ? Je savais pas s'ils étaient là ou non, alors. Et vous aviez prévu du matériel pour rentrer par effraction ? J'avais un appareil photo, un calepin, un crayon et mon stéthoscope. Ah, oui, toujours le stéthoscope. C'était pour écouter ce qui se disait, au cas où ils auraient été présents. Il était 22h passé et... Moi, je pense que je vais me coucher. Demain, je vais m'appeler. Allez, bonne nuit. Pardon, pourquoi moi et pas elle ? Tu te dépêches, là, tu vas aider ta mère. Brigitte avait laissé la porte du jardin entrouverte pour le chat. Alors, j'en ai profité pour entrer et déverrouiller la porte du garage. Lorsque Brigitte a fermé la porte du jardin vers 23h15, je pouvais entrer par le garage. En fait, je voulais faire le dessin d'une clé pour pouvoir revenir. Le dessin d'une clé ? Comme une empreinte, si vous voulez. Ah. Mais sans le vouloir, j'ai dû faire un peu de bruit et... Qu'est-ce qui se passe ? J'ai pas arrêté, j'ai bien trouvé, on a fait ou quoi ? À ce moment-là, j'ai voulu m'enfuir. Mais on s'est retrouvé nez à nez avec Pascal. Il a pris un pied de biche et il m'a crié : Je vais te tuer ! Et il a essayé de me frapper avec le pied de biche. Et vous vous êtes défendu ? Oui. J'ai réussi à esquiver ses coups. Et je lui ai pris le pied de biche des mains. Il est remonté dans la maison, et je l'ai suivi. Mais pourquoi est-ce que vous l'avez suivi au lieu de vous enfuir ? Je voulais lui parler. Je voulais qu'il avoue enfin tout le mal qu'il nous avait fait, à moi et à toute la famille. Je voulais qu'il me dise où il avait caché l'or. et ce qu'il nous avait volé. Bon, et alors, que s'est-il passé ? Je me suis retrouvé face à Brigitte, qui avait le téléphone dans ses mains. Donc j'ai frappé Brigitte à l'épaule pour lui faire lâcher le téléphone. Alors Pascal s'est jeté sur moi. Il m'a donné des coups à la tête et j'ai commencé à saigner. Et puis Brigitte s'est jetée sur moi pour le défendre. Et je lui ai donné un coup de pied de biche à la tête. Et elle a perdu connaissance ? Elle saignait beaucoup. Et puis là-dessus, Sébastien est sorti de sa chambre avec un air menaçant. J'ai eu peur. Je lui ai donné un coup de pied de biche à la tête et il est tombé à la renverse sur son lit. Le pied de biche planté dans son crâne. J'ai posé mon pied pour sortir le pied de biche de son crâne et à ce moment-là, Charlotte est arrivée dans la chambre. Je l'ai frappée à la tête avec le pied de biche, mais Brigitte est revenue et elle a essayé de m'enlever le pied de biche des mains en le coinçant dans la porte de la salle de bain qu'elle fermait sur elle. Attendez, pourtant, mais Brigitte était blessée. Oui, mais elle essayait de rester enfermée dans la salle de bain en coinçant la porte avec le pied de biche. Alors d'un coup d'épaule, j'ai défoncé la porte, j'ai pris le pied de biche et je l'ai frappé. Et elle ne s'est plus relevée. Mais à ce moment-là, Pascal est revenu derrière moi, je l'ai frappé aussi. Mais Kawissin, vous aviez conscience à ce moment de ce qui se passait là ? C'était un accident. Je me suis défendu. Je me suis rendu compte de rien. C'était comme un cauchemar quand j'ai vu le résultat. C'était affreux. Il y avait du sang partout. Et ils étaient tous morts. Maître, je crois que nous allons nous arrêter là pour le moment. C'est préférable en effet, mon client est épuisé. Veuillez noter cela au procès verbal, s'il vous plaît. Il a craqué. Il a mis le temps. Reste à savoir maintenant où sont les corps. Madame Troadec. Hubert Kawissin vient d'avouer le meurtre de 4 personnes dans la nuit du 16 au 17 février 2017. Il s'agit en l'occurrence de votre frère, Pascal Troadec, de sa femme, Brigitte Troadec, et leurs 2 enfants, Sébastien et Charlotte. Avez-vous quelque chose à ajouter à vos déclarations ? C'est pas possible. C'est pas vrai. Vous maintenez votre déclaration selon laquelle, dans la nuit du 16 au 17 février 2017, vous étiez au lit avec Hubert Kawissin. Je suis paumée. J'y vois plus clair. Mais je vous conseille de dire la vérité, madame. C'est dans votre intérêt, je vous l'assure. Quand il est rentré, il devait être vers 8h30 du matin. Il était couvert de sang et il m'a dit « J'ai fait une connerie, je les ai tous tués. » Mais je l'ai pas cru. Je comprenais pas ce qu'il me disait. Et vous l'avez pas cru ? Non ! C'était pas la première fois qu'il se rendait chez eux pour essayer de choper des infos, comme il disait. Jusque-là, il s'était rien passé et rien de grave, alors. Donc, même si votre compagnon vous dit qu'il a tué votre frère et 3 autres personnes de votre famille, ça vous inquiète pas plus que ça? Mais je comprenais pas ce qu'il me disait. Il me demandait de l'aider vite, tout de suite, là, maintenant. Il n'était pas dans son état normal. Et alors, vous avez fait quoi? J'ai fait ce qu'il m'a demandé. C'est-à-dire? Il m'a demandé de retourner là-bas avec lui. Alors vous ? Oui. Et pour quelle raison ? Le ménage. Ah, le ménage. À 250 km de chez vous. Et qu'est-ce que vous avez fait de votre fils ? Oui, Orvaux, de chez nous, c'est 2h30 de route. J'ai dû laisser Gaël tout seul pendant ce temps-là. Et pourquoi vous êtes allée faire le ménage à Orvaux, madame ? Vous n'avez pas assez de travail chez vous, à la maison ? Hubert disait qu'il y avait du sang partout, dans la maison, monsieur. Il fallait bien. Une chose m'intrigue, monsieur Kawissin, dans vos déclarations. Je vous ai dit la vérité. Vous me dites avoir tué Pascal Troadec, Brigitte Troadec et leurs 2 enfants par accident. Très bien. Mais où sont les corps, monsieur Kawissin ? Je sais pas, monsieur. Vous ne savez pas ? C'est étrange, ça. Lors de nos perquisitions dans la maison Troadec à Orvault, nous avons cherché partout et nous n'avons rien trouvé. Rien, sauf des traces de sang soigneusement effacées. Où sont les corps, monsieur Kawissin ? Je me souviens plus. Qu'est-ce que vous avez fait après avoir constaté la mort de ces quatre personnes, Kawissin ? Allez-y, je vous écoute, monsieur. Comme j'étais couvert de sang, j'ai mis les vêtements de Pascal Troidec et j'ai pris les clés de la maison. Il était 5 ou 6 heures du matin et je suis rentré chez moi. Il était à peu près 8h30 quand je suis arrivé à Pont-de-Buis. Lydie et Gaëlle dormaient encore. Lydie ! Lydie, réveille-toi ! C'est toi, Hubert ? Eh oui, c'est moi. Qui veux-tu que ce soit ? Alors, t'as réussi à choper des infos sur ces crapules ? Non, pas vraiment. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? C'est quoi ce sang sur ta tête ? C'est quoi ces habits ? J'ai fait une connerie. Je les ai tous tués. Qu'est-ce que tu dis ? J'ai fait une connerie, je te dis. C'est parti en vrille et ils sont tous morts, voilà. Non mais tu déconnes, c'est pas vrai. Je les ai tous tués, Lydie. Il y a du sang partout là-bas, il faut que tu m'aides. T'aider ? Mais à quoi ? Personne ne m'a vu, hein. Personne ne pourra dire que c'est moi, tu comprends ? Faut tout nettoyer. Mais Gaëlle, je peux pas partir d'ici et le laisser tout seul ici, enfin. On ira là-bas ce soir. Je les ai tous tués, tu m'entends ? Le soir, on est retourné là-bas avec Lydie. C'est elle qui conduisait la voiture. J'avais changé les plaques pour éviter de se faire remarquer. Attendez, votre fils, il est venu avec vous ? Non. Lydie s'en est occupée. Elle l'a mis au lit. Elle lui a dit de pas s'inquiéter, qu'on avait une course importante à faire et qu'on reviendrait vite. Gaëlle, il est sage. On a attendu un peu et il s'est endormi. Alors ? On peut y aller. Il dort. Allez. On est arrivé à Orvault vers 20h. Lydie avait acheté des grands sacs poubelles de 130 litres. Je lui ai demandé de m'attendre dehors. Elle est restée dans la voiture. On se parlait avec des talkie-walkie. Il y a du sang partout, c'est un truc de fou. Comment on va faire pour tout laver ? J'en sais rien, on trouvera bien une solution. Attends. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais les mettre dans la 308. Mais Brigitte... Quoi, Brigitte ? Elle est grosse. Elle pèse au moins 100 kilos, je vais pas y arriver. J'ai réussi à charger les corps dans la 308. Et puis... On a pris la route jusqu'à Pont-de-Buis. Avec les quatre corps dans la 308 ? Oui. Vous avez donc parcouru 257 km avec quatre cadavres dans la voiture, près de 3 heures de route sans la moindre difficulté. C'était la nuit, il n'y avait personne. Sur le chemin, on se parlait avec Lydie dans les talkies. Pourvu qu'il ne nous arrive rien. J'espère que Gaëlle ne s'est pas réveillée. Il est tout seul là-bas. Mais t'inquiète pas, il est grand maintenant. Et puis, ça va, personne ne nous a vus, alors... Pas trop vite. C'est vraiment pas le moment de se faire flasher. Je fais attention, mais... Mais quoi ? La voiture, elle fait un bruit bizarre. J'espère qu'elle va pas nous lâcher. On est arrivé à Pont-de-Buis à 6h du matin. J'étais épuisé. J'ai garé la voiture dans la cour et j'ai interdit à tout le monde de s'en approcher. Qu'avez-vous fait des corps ensuite, Kawissin ? Quand on est arrivé, je suis allée voir Gaëlle. Il dormait encore. Heureusement. Alors on est allé se coucher. Et après ? Je me suis réveillée vers 9h et je me suis occupée de lui. On a fait une grande promenade autour de la maison. Dans la nature, pour écouter les oiseaux. Pourquoi vous n'avez pas dénoncé Hubert Kawissin pour les quatre meurtres qu'il venait de commettre, Madame Troadec ? J'avais peur. Peur qu'on nous sépare. Peur qu'on me sépare de mon fils. Où sont les corps, Kawissin ? Pendant que Lydie se promenait au loin avec Gaëlle, Je les ai étalés sur une grande bâche. J'ai pris un couteau de cuisine et je me suis mis à les découper. J'ai commencé par les têtes, car c'était difficile de les voir. Vous avez découpé les corps avec un couteau de cuisine? Oui. Ça m'a pris 2 jours. J'ai travaillé comme un forcené. Ça n'est pas possible, Kawissa. J'ai commencé par Sébastien. J'ai coupé les chairs avec le couteau, et après, j'ai séparé la colonne vertébrale, toujours avec le couteau. La colonne vertébrale? J'ai coupé la tête en maintenant l'oreiller sur le visage, laté ou un petit linge, je sais plus, au moment où je découpais. Mais les cervicales m'ont posé problème. J'ai réussi à désassembler 2 vertèbres cervicales. J'ai recouvert son corps avec le drap, en le remontant bien pour cacher le haut de son tronc, son cou. Après, j'ai mis la tête dans un plastique. Je voulais pas la voir. Puis j'ai fait pareil pour les autres, un par un. Mais je peux pas vous dire l'ordre. J'ai réutilisé la tête de la même manière pour les autres. J'ai commencé par découper les 4 têtes que j'ai mises dans le même sac. 4 têtes. Il a fallu ensuite séparer les membres des corps, mais j'ai pas souhaité les scier. Pour pas abîmer leurs os. Il fallait mettre l'articulation de l'épaule à jour, la voir. C'est ce que j'ai fait. J'ai enlevé ce qu'il y avait autour, la peau d'abord, les muscles ensuite. Je me suis rendu compte que c'était très humide et que ce serait difficile à brûler. J'ai donc enlevé la peau jusqu'au niveau de l'avant-bras, puis les muscles d'une grande partie du bras. En fait, ce qui était facile à enlever. Après, j'ai pu séparer l'articulation avec le couteau. Comme je vous l'avais dit, j'ai inséré le couteau entre la partie concave et la partie convexe, et j'ai fait le tour. Au moment où j'ai inséré le couteau, il y a un peu d'air qui est entré dedans. Et ça a fait du bruit. Je me rappelle que ça m'avait marqué. Ensuite, le bras est donc séparé. Je le plie au niveau du coude. Je le mets dans un seau, puis dans la chaudière. En fait, vous avez découpé les corps pour les brûler. J'ai commencé par Sébastien. La journée du samedi, je vais m'occuper du corps de Sébastien intégralement. Je fais d'abord les 2 bras, puis les 2 jambes, de la même manière. Pour les bras comme pour les jambes, j'enlève la peau et les muscles. Je désarticule les jambes au niveau des hanches. Après, j'ai enlevé la peau du tronc et du dos. Le tronc était lourd, je procède en écorchant parce qu'il fallait que j'enlève le maximum d'éléments pour pouvoir ensuite transporter le tronc. Puis je mets le tronc dans un sac et je l'emmène dans le champ pas très loin d'un poulailler en m'éloignant de la ferme. Je fais ça parce que je ne sais pas très bien comment ça va se passer lorsque je vais vider la cage thoracique des organes, des viscères. Je le fais dans l'herbe, pas très loin des différents ronciers. Une fois que j'ai vidé la cage thoracique, je laisse les viscères et les organes parce que je ne savais pas quoi en faire à ce moment-là. Je remets donc le tronc dans le plastique. Il ne reste pratiquement que des os. Je l'emporte dans la chaudière. Et ensuite? Le lendemain, j'ai procédé de la même façon pour Brigitte, le matin, et avec Charlotte et Pascal, l'après-midi. J'ai éparpillé ensuite les muscles et les viscères dans les différents ronciers du terrain, en les amenant avec un seau et en les jetant à la main, au fur et à mesure du chemin. Que faisaient Lydie et Gaëlle pendant tout ce temps? Je leur avais interdit de s'approcher de l'endroit où je travaillais. J'ai dispersé les viscères et les muscles dans les ronciers, en espérant que les animaux sauvages les feraient disparaître. J'ai brûlé les têtes et j'ai enterré tous les habits et ce qui brûlait pas, surtout les alliances. Les alliances, oui, bien sûr. Mais comme les têtes ne brûlaient pas bien, j'ai emmené les restes de crâne à la palue et je les ai enfouis pour que la marée vienne les prendre. La palue, au bord de la mer à 30 km de chez vous? Oui. Je crois que nous allons nous arrêter là, Kawissin. Maître, veuillez noter que nous interrompons l'interrogatoire. C'est pas de refus, commissaire. Ça va pas, commissaire? Vous êtes tout pâle. Vous n'allez pas le croire. Vous vous sentez pas bien? Ça va? Alors, j'en ai vu dans ma carrière. Merdez comme ça. Jamais. Après, j'ai demandé à Lydie de m'aider à nettoyer la 308. Pour effacer les traces. Et elle a accepté, bien sûr. Oui. Et durant ce travail de forcené, comme vous dites, vous n'avez ressenti aucun dégoût, aucune répulsion? Non. J'ai éprouvé aucune émotion. Vraiment aucune? Le jeudi, quand je suis retourné à la palue pour faire disparaître les crânes, j'étais beaucoup perturbé parce que j'avais le sac sur le dos. Il y a un couvert forestier, il faisait sombre. Le terrain est très accidenté et le sac me tapait régulièrement sur le dos. Le fait d'avoir les têtes dans le dos me donnait l'impression qu'elle me poursuivait, qu'elle m'attaquait. Et j'étais un peu en panique à ce moment-là. Arrivé sur la palue, j'ai trouvé un creux. Mais en les sortant du sac, ça me dérangeait de voir encore leur tête. Je voulais plus les voir. Et il y avait un bâton de bois vert qui était là et que j'ai utilisé pour les réduire. Pour qu'elles ne ressemblent plus à des crânes et qu'elles prennent de moins en moins de place pour les enfouir et les ensevelir dans une petite cavité que j'ai trouvée. Vous dites que Lydie n'a assisté à aucune de ces opérations. Et votre fils, Gaël? Lydie a emmené Gaël avec elle, faire des courses. C'est Lydie qui était avec lui. Alors... Madame Troadec, vous reconnaissez avoir aidé Hubert Kawissin à effacer les traces de sang dans la 308 de Sébastien Troadec, votre neveu? Oui. Pourquoi avez-vous obéi à une telle demande, madame? C'était pourtant votre famille. J'ai fait ça pour lui. Hubert, c'est comme ça. On s'aime, c'est tout. Aviez-vous conscience du risque que vous preniez? Quel risque? Vous saviez à cet instant que votre compagnon, Hubert Kawissin, avait assassiné 4 personnes, n'est-ce pas? Vous saviez ça? Oui, il m'avait dit que tout le monde était mort. Mais moi, j'ai tué personne. Mais oui, mais en effaçant les traces de son crime, vous deveniez sa complice. Complice d'un quadruple meurtre. Vous imaginez les conséquences? Sur le moment, non, j'ai pas pensé à tout ça. Ah, et vous avez pensé à quoi alors? À mon fils. Qu'avez-vous fait ensuite, Kawissin? Ensuite, j'ai demandé à Lydie de m'accompagner à Saint-Nazaire pour abandonner la 308, pour faire croire à un vol. Et elle a accepté de vous accompagner? Oui. Et puis, je suis retourné à Orvault. J'ai nettoyé la maison. J'ai effacé toutes les traces de sang. Il y en avait partout. Et le pantalon? La carte vitale de Charlotte? Je les ai balancés n'importe où, au hasard. Bien. Je crois que nous allons nous arrêter là, monsieur Kawissin. C'est tout? Cela ne vous suffit pas? J'ai encore tellement de choses à dire. Vous aurez tout le temps d'y réfléchir, monsieur Kawissin. Là où vous allez, croyez-moi, vous aurez tout le temps. Maître, je vous informe que je transmets ce jour au procureur de la République la demande de mise en examen d'Hubert Kawissin pour le quadruple meurtre de Pascal, Brigitte, Sébastien et Charlotte Troadec et atteinte à l'intégrité des cadavres. Je le note, commissaire. Madame Lydie Troadec fera également l'objet d'une demande de mise en examen. Pour modification de l'état des lieux d'un crime et pour avoir fait obstacle à la vérité et recel de cadavres. Hubert Kawissin et Lydie Troadec seront placés en détention provisoire dans la journée. C'est noté. Notez que, dans ce contexte, il nous apparaît nécessaire que le jeune Gaël Kawissin, âgé de 8 ans, actuellement recueilli par sa grand-mère, Madame Renée Troadec, soit entendu par le juge des enfants. Il pourra en effet, selon la recommandation du magistrat compétent, être placé en famille d'accueil. Bien sûr, commissaire. 6 mars 2017. Conférence de presse du procureur Pierre Sénès. Nantes, Loire-Atlantique. Monsieur Caoussin et Madame Troidec sont en cours de mise en examen. Ils sont entendus en ce moment par les juges d'instruction dans le cadre de ce qu'on appelle un interrogatoire de première comparution. Je n'en connais pas la teneur. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'à l'issue de cette première comparution, le parquet a requis le placement en détention provisoire des deux personnes mises en examen. Et cette décision, qui sera prise par le juge des libertés de la détention, ne pourra intervenir que tardivement dans la soirée. Parloir de la maison d'arrêt de Nantes. Maman ? Oui ? Comment va le petit ? Bah, il va bien, t'inquiète pas. Il m'a demandé quand il reverrait ses parents. Et alors, qu'est-ce que tu lui as répondu ? Je lui ai dit, tu veux savoir quand tu reverras tes parents ? Eh bien, tu les reverras le jour où les gendarmes auront trouvé ceux qui nous ont volé l'or. Voilà, c'est tout. Alors, il m'a demandé, mais attends, quel or ? Et ben, je lui ai dit, l'or de ton grand-père, tu sais bien. Bon, un jour, tu verras, mon petit, tu seras riche, on saura toute la vérité. Il m'a dit, tu es sûr ? Ben, je lui ai dit, oui, vraiment. Et il m'a dit, alors d'accord, mamie Renée. Et il a fermé les yeux. Je crois qu'il avait sommeil. Il s'est endormi ? Oui, oui, oui. Merci, maman. À suivre. L'affaire Troadec. Une série de François Luciani. Cinquième épisode avec Pierre-Marie Baudouin, Anne Contino, Françoise Lebrun, Eddie Chignara, Grégory Kidel, Cédric Révolon, Elsa Bouchin, Florian Chocard, Yvan Cory, Victoire Dubois, Alexis Rib, l'Ouzbékistan, Benjamin Bure, Damien Pézan, Henri-David Cohen et les voix de Jade Labeste, Sylvain de Guillaume. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Éric Boisset, Bastien Varigaud. Assistante à la réalisation, Justine Dibling. Réalisation, Cédric Ossir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Troadec, la série de fiction réalisée par Cédric Ossir. Demain, vous pourrez retrouver le tout dernier épisode, Le Procès, à réécouter en podcast, bien sûr, et sur franceinter.fr. À la technique aujourd'hui, il y avait Thomas Langlin.